Lundi 11 mars, bonjour madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. L'Ouganda, premier pays contributeur de troupes en Somalie, menace de retirer son contingent. Kampala ne peut pas supporter la réduction de ses troupes, rapporte le journal The East African. La réunification entre les partis Sahwanya Frodebou et Frodebou Nyakuri n'est pas pour aujourd'hui. Kefani Wizi parle de persistance et d'incohérence. C'était ce lundi en conférence de presse. Dans cette édition, vous aurez également l'actualité sportive. Nous vous parlerons de la formation Burundi Sport Dynamique, toujours en tête du championnat national de deuxième division avec 19 points dans le pool A. Vous aurez également l'actualité internationale en Algérie et au Venezuela. La mise en onde est assurée par le duo Alphonse Koubguimana et Dorine Ouimana. Rebonjour et bienvenue. Débutons cette actualité par la page politique. Les membres du parti Frodebou Nyakuri qui ont adhéré au parti Sahwanya Frodebou sont constitués de ceux qui ont été exclus du Frodebou Nyakuri. Explication du président du parti Frodebou Nyakuri, Kefa Niwizi. C'était ce lundi en conférence de presse. Quant à la réunification avec cette formation politique, Kefa Niwizi, président du Frodebou Nyakuri, explique que quelques incohérences persistent. Le point avec Moïse Misago. Dans cette conférence de presse, Kefa Niwizi, président du parti Frodebou Nyakuri, dit que les membres de cette formation politique qui ont signé un engagement commun de réconciliation avec le parti Sahwanya Frodebou font partie des membres exclus de Nyakuri et d'autres issus de la plateforme Senared. Le parti Sahwanya Frodebou Nyakuri Gyandadaï fait remarquer que les personnes qui ont porté le chapeau du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri Gyandadaï pour commander l'adhésion au sein du parti Sahwanya Frodebou ne sont que des membres exclus de notre formation politique, auxquels s'ajoutent les membres du mouvement politique Senared qui, après le démantèlement de ce dernier et dans les habituelles attitudes de tâtonnement, ont choisi de se rallier au parti Sahwanya Frodebou. Quant à sa promesse de réunification avec Sahwanya Frodebou, Kefa Niwizi explique qu'il n'est pas encore temps. Car le Frodebou Nyakuri s'est séparé du Frodebou, le Senared n'existe pas encore. Ça veut dire que les malentendus, les différends que nous avons avec ce parti ne datent pas de la naissance du Senared, datent de très longtemps. Même si le Frodebou a quitté le Senared, il y a beaucoup d'incohérences que nous voyons jusqu'à maintenant qui ne nous permettent pas de se mettre ensemble. Nous estimons qu'il n'est pas encore temps de se prononcer là-dessus, d'autant plus que le président du parti n'est pas habilité de dire, il y a une autre instance qui pourra décider cela quand elle deviendrait, mais cela leur demandera beaucoup de changements que je peux qualifier en termes biologiques de métamorphose. Le président du parti Frodebou Nyakuri s'apprête à traduire en justice toute personne qui s'approprie le nom ou les emblèmes de son parti. Moïse Misago, les textes régissant la plateforme multisectorielle de la sécurité alimentaire et de nutrition ne sont plus à jour, précision du secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, après que le conseil des ministres qui s'est tenu au cours de la semaine dernière ait analysé et adopté le projet de décret portant création et organisation de la dite plateforme. Prosper Anhaugwami fait savoir que ce cadre aura comme mission la lutte contre la faim. Je vous prie de le suivre. Projet de décret portant création et organisation des structures de la plateforme multisectorielle de la sécurité alimentaire et de nutrition au Burundi. Ce projet a été présenté par les services de la deuxième vice-présidence de la République. La plateforme multisectorielle de la sécurité alimentaire et de nutrition au Burundi a été mise en place en février 2014 avec pour mission principale de coordonner tous les efforts et d'orienter les politiques et les plans sectoriels dans le cadre du développement de la sécurité alimentaire et de la nutrition et d'assurer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Le cadre légal régissant ces structures n'est plus adapté au regard de la structure du gouvernement qui a changé en 2018. En effet, Certains ministères membres de la plateforme ont changé de dénomination ou ont fusionné avec d'autres. Il y a nécessité d'adapter la composition de la plateforme à cette évolution. Après échanges et débats, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro. L'Ouganda menace de retirer ses troupes de la mission de maintien de la paix en Somalie. Selon les informations données par le journal kényan The East African, le président ougandais Yoweri Museveni l'a déclaré en fin de semaine dernière devant une réunion dite de haut niveau des ministres en charge des réfugiés dans les pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'Ouganda explique qu'il ne supporterait pas que le nombre de ses militaires soit réduit. Les détails avec Elini Bel Nibigira. Selon le journal The East African basé à Nairobi, la capitale kényane, le président Yoweri Kaguta Museveni prévient qu'il peut retirer les troupes ougandaises en mission de maintien de la paix en Somalie. Comme écrit par cet hebdomadaire, le président ougandais dit que si l'ONU reste sur sa décision de réduire les militaires à mission de maintien de la paix en Somalie, l'Ouganda récupère toutes ses troupes de la MISOM. Ici, Museveni menace, je cite, « Ils ont recommandé la réduction du nombre de troupes, mais personne ne sera réduit, à moins qu'il rentre en totalité de la Somalie. » Fin de citation. Yoweri Kaguta Museveni révèle aux ministres chargés de réfugiés dans leurs pays respectifs et de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs que ses efforts de convaincre le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et son successeur Antonio Guterres ont été rejetés. Président Museveni accuse le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir négligé la question de sécurité en Somalie, ce qui risque de céder le terrain aux terroristes d'Al-Shabaab. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 2372 de 2017, a demandé que les effectifs de militaires en mission de maintien de la paix en Somalie soient réduits jusqu'à quitter définitivement le sol somalien jusqu'en 2021. L'Ouganda fait ses révélations après que le Burundi est aussi menacé de retirer tous ces militaires en mission de maintien de la paix en Somalie, une fois 1000 d'entre eux sont faits rentrer. Il était prévu que 1000 militaires burundais regagnent le pays, quittant la Somalie jusqu'au 28 février. Mais jusqu'ici, l'armée burundaise n'a confirmé que la rentrée de 400 d'entre eux. L'Ouganda est le premier pays contributeur des troupes à la MISOM avec 6400 militaires, suivi du Burundi avec 5400 qui sont suivis par le Kenya, l'Éthiopie et le Djibouti. Elini Bel Nibigira, page sportive à 13h04 dans nos studios. La formation Burundi Sport Dynamique vient toujours en tête avec 19 points dans le pool A du championnat national de la deuxième division. C'est après avoir battu l'équipe militaire de Muzinga sur un score de 2-1. Dans le pool B, la victoire de Top Junior de la province Kayanza de 3-0 ce samedi face à la formation Lumière de Mumba lui a permis de garder la première position du classement provisoire. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Le championnat national de football en deuxième division était à sa septième journée ce week-end. Vendredi, deux matchs ont été livrés au stade Presserui Guagasore. À 13h30, Burundi Sport Dynamique a battu 2-1 la formation militaire de Muzinga. À 16h, Aigle Noir B s'est incliné 1-0 face à l'Interstar. Samedi, deux matchs ont été joués à l'intérieur du pays. Au stade Mucho de Muyinga, Mososhuga a été tenu en échec 5-1 par Busoni Stars. Au stade Gatwaro de la province Kayanza, devant ses supporters, Top Junior a corrigé Lumière de Mumba sur un score de 3-0. Michel Touabonye, l'entraîneur de la formation Top Junior, explique que cette victoire est le résultat des préparations minutieuses. Nous avons travaillé beaucoup. On a essayé de se relever en comblant les échecs antérieurs. L'accent particulier a été mis sur les joueurs qui ratent les occasions nettes de marquer le but. Ils sont capables, pourtant, ils échouent beaucoup. Je ne peux pas dire que le travail est terminé. Le championnat continue. Ce dimanche, le championnat a continué avec des matchs au rendez-vous. Au stade Umucho, devant ses supporters, Unité FC s'est incliné 2-1 face à Delta Star de Katumba. Au centre du pays, au stade Ingoma de Gitega, Bohumuza FC a été battu par Royal FC sur le score fleuve de 4-0. Dans le pool A, Burundi Sport Dynamique vient en tête avec 19 points. Interstar est deuxième avec 16 points. La troisième place revient à l'équipe militaire de Muzinga avec 12 points. Aigle Noir B est dernier avec 2 points. Tandis que dans le pool B, Top Junior de Kayanza occupe toujours la première position du classement provisoire avec 19 points. Buhumuza FC est deuxième avec 13 points. La troisième place revient à Delta Star avec 13 points. La dernière place est occupée par Royal FC avec 4 points. Actualité internationale. En actualité internationale, retour ce dimanche du président algérien Abdelaziz Bouteflika après 2 semaines d'absence. Un retour qui n'a pas changé grand-chose. Les manifestations continuent dans tout le pays. Le futur 5e mandat du chef d'État algérien semble faire l'unanimité contre lui. Depuis que le président a quitté Alger pour Genève, la mobilisation a pris de l'ampleur. Les manifestations de vendredi réunissaient de plus en plus de monde sans incident majeur. Et l'annonce surprise du ministère de l'Enseignement supérieur de vacances de supplémentaires immédiates pour les étudiants a provoqué un regain d'organisation parmi la communauté universitaire. Et au Venezuela, l'opposant Juan Guaido entend ce lundi tirer parti de la gigantesque panne de courant qui plonge le Venezuela dans le chaos depuis 3 jours en appelant le Parlement à voter l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entraide humanitaire dans ce pays. Dès jeudi soir, Nicolas Maduro a assuré que cette coupure était le fait d'un sabotage dans la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Une attaque cybernétique, selon les mots du président qui accuse Washington, et serait répétée ce week-end, d'où la durée exceptionnelle de cette coupure sans précédent. Cet argumentaire ne tient pas pour l'opposition. Le président de l'Assemblée nationale, appuyé par de nombreux experts, accuse le gouvernement de ne plus entretenir le réseau depuis des années. Cette panne serait la suite logique d'un manque total d'investissement dans les infrastructures électriques, comme nous le lisons sur le site web de la Radio France Internationale. Et voilà, à 13h08 dans les studios de la Radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les grands titres. L'Ouganda, premier pays contributeur de troupes en Somalie, menace de retirer son contingent. Kampala ne peut pas supporter la réduction de ses troupes, rapporte le journal kényan The East African. La réunification entre les partis Sawanya Frodebou et Frodebou Nyakuri n'est pas pour aujourd'hui. Kefa Nibizi, président du parti Frodebou Nyakuri, parle de persistance d'incohérence. C'était ce lundi en conférence de presse. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, au duo qui assurait la mise en onde. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyang.